Pourquoi parler au monde entier? Pourquoi? Pourquoi parler à des âmes égarées? Je pourrais croire qu'il y a un espoir. Je pourrais croire qu'il y a un espoir, que les vies vont guérir du mal qui les ronge. Mais d'ici là, la médecine fera son business et gagnera comme les pompes funèbres des ronds et des thunes. Là-bas on croit, tant qu'on n'y est pas, que tout vaut mieux que là. Mais c'est pareil partout. La soif de l'argent, la soif du pognon. On t'en voit. Qu'on pourrait faire avec ça et tout ce que l'on ne fait pas sans ça. Pourquoi parler à ces gens qui n'écoutent pas? Pourquoi au fond parler à des murs qui ne changeront pas? Qui est pourtant cru putain, mais j'y ai pourtant cru, mais pourquoi tous ces êtres corrompus qui se noient? J'y ai cru, je crois, j'y crois pas demain. J'irai plus. Je suis mort déjà. Je ne crois plus en rien et l'amour dans tout ça. Il n'est pas venu. Il s'est égaré, il a disparu et... Qu'est-ce que j'ai fait, moi, ici, ici-bas, attendu. L'au-delà. Et un jour, tout ça séchera. Un jour, tu vois, plus personne ne sera là. Ne sera là pour toi. Pour moi et toi, est-ce que tu seras là pour quelqu'un d'autre que toi? Ça, je crois pas. Il y a fort à faire, fort à parier. Que d'ici là, que le monde change et que plus rien. Plus rien ne soit. Toi et moi, on n'aura même pas eu le temps d'être en phase avec soi-même, avec soi. Pourquoi parler à des êtres? Pourquoi parler de tout ça? C'est la fin de notre aventure, la fin. Plus de difficultés, plus de pellicules, plus de batteries, plus de caméras, de génétique, de générique. Et fini, faut rentrer chez soi. Et tout seul dans ses draps, on rêvera, on en rêvera de tout ça. À tous ces endroits, et un jour, ce qu'on aurait voulu de beau, de bon, le meilleur, le sentiment, qui soit dans mes pensées, en pensant à toi. Soit dans mes pensées, juste là-bas. Et j'y crois, et y croire, que croire de mieux qu'ici, là-bas. Et dans l'histoire, il n'y a que le début qui va. Le début toujours. Lui, il va. Le début toujours, lui il va.